Unité 2. Profil. Ouverture. Qui dit quoi? Page 28. Activité 2. Écoutez l'enregistrement. Associez chaque phrase entendue à l'une des personnes suivantes.